entraînement des Saguenay de Chicoutimi à Chir. Je pense qu'il reste un seul match contre Shawinigan jeudi. Question de savoir comment a trouvé le camp d'entraînement. On parle avec l'instructeur chef et directeur général des Sags, Yannick Jean. Bon après-midi, Yannick. Yannick, jusqu'à maintenant, est-ce que tu es satisfait quand même du camp d'entraînement que tu as eu? Oui, les joueurs se sont présentés ici pour travailler avec leurs forces. Puis on n'est pas déçus là, des joueurs qu'on a repêchés lors du dernier draft midget. Fait que, à venir jusqu'à maintenant. Il y a quand même plusieurs choix, des premiers choix de première, deuxième et troisième ronde qu'a fait l'équipe cette année. C'est quand même fort agréable. Hein? Oui, on a 8 choix là, du dernier repêchage qui vont commencer la saison avec nous. Ça arrive pas souvent, donc c'est bien. Cinq joueurs de 16 ans. Est-ce que ça, c'est vraiment l'objectif, j'imagine, que c'est de commencer et de progresser durant l'année avec ces jeunes-là? Oui, ils sont ici justement pour apprendre, pour travailler, pour nous aussi nous rendre service. C'est des joueurs en qui on voit des belles choses, on voit un beau potentiel, on va travailler avec eux. C'est sûr que certains soirs, on va avoir des erreurs d'inexpérience, des erreurs de jeunesse sur la patinoire, mais on va être patient avec eux, puis on va travailler fort pour les OK. Développer. Nicolas Roy, c'est vraiment son année. Hein? L'année des Sags pourrait passer par Nicolas Roy. Si Nicolas connaît une année à l'auteur de son potentiel, ça pourrait faire une différence. Hein? Nicolas, on ne mettra pas toute la pression d'une équipe sur lui. C'est un système d'équipe qu'on met en place. Mais c'est certain que Nicolas, oui, va être un bon joueur pour nous. J'ai aucune crainte. Là, OK. Parle-moi maintenant du poste de deuxième gardien de but. Vous êtes allé chercher Xavier Potvin, le fils de Félix Potvin. Comment tu l'as trouvé depuis son arrivée avec les Sags? Il a connu des bons matchs. Il était solide, là, même après avoir donné là, quelques mauvais buts de temps à autre. C'est de bon augure là, dans son cas également. Il a bien fait ça. C'est un jeune qui est en progression, qui est en train de prendre de l'expérience. Donc, comme nos jeunes joueurs, on va travailler fort. Okay. Du côté des capitaines maintenant, est-ce que il n'y a pas de presse pour avoir nommé un capitaine? Non, il n'y a pas de presse, c'est certain. Puis, c'est pas quelque chose là, qu'on envisage là, dans les prochains heures ou les prochains jours là, de mettre l'emphase là-dessus. On va laisser le temps à notre équipe là, de se former, là, de geler ensemble, comme on dit, là, de se mouiller okay. ensemble. Vadim Vajenkin, un joueur qui est estonien, qui est à l'essai actuellement, un gars de 6 pieds 3, 210 livres. S'il réussit à se tailler une place avec l'équipe, ça pourrait être un joueur intéressant, quand même un joueur à gros gabarit junior. Pas mauvais, ça? Ouais, mais je veux pas mettre d'emphase là-dessus. On va voir, on va le laisser pratiquer, on va regarder. Puis, il y a 19 ans, okay. pour qu'il réussisse à jouer avec nous, devra se trouver une place là, sur les trois. OK. Terminant, il y a un joueur qui est natif du secteur, Jean-Simon Bélanger, qui a été retranché. Jean-Simon, qu'est-ce qui lui manque pour atteindre les plus hauts niveaux? L'expérience, quoi? Ben, il manque la constance. Okay. Il manque de la finition dans son jeu défensif. Ça doit amener de l'offensive pour être efficace, mais ça doit également améliorer son jeu défensif. Ben, Yannick Jean, un gros merci. On s'en reparle durant l'année. L'instructeur-chef des Saguenay, Yannick Jean.